الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher au bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations بمناسبة العطلة المدرسية à l'occasion de ces vacances scolaires ستكون خطبتي موجهة إلى الشباب ma parole d'aujourd'hui sera dirigée vers les jeunes ولكنها في نفس الوقت تهم كل الناس mais en même temps elle concerne tout le monde أخي أختي frère, sœur لما تمشي عند طبيب العيون lorsque tu consultes un ophtalmologue فإنه يقيس قوة بصرك il mesure ta vue ou la puissance ou la force ou l'étendue de ta vue هل هي عشرة على عشرة est-ce que tu vois 10 sur 10 أو سبعة على عشرة ou est-ce que tu vois 7 sur 10 أم صفر على عشرة ou est-ce un 0 sur 10 بمعنى أنك أعمى ceci signifie que tu es un aveugle وربما يعطيك نظارات لتحسن نظرك et peut-être il va te donner des lunettes afin que tu améliores ta vue هذا فيما يخص رؤية الأشياء ceci en ce qui concerne la vision des objets الأشجار les arbres الجبال les montagnes السماء le ciel الناس les gens الكتابة l'écriture ولكن كيف هي رؤيتك الإسلامية mais comment est-elle ta vision ou ta vue islamique كيف هي رؤيتك الدينية comment est-elle ta vue religieuse هل ترى في الدين عشرة على عشرة est-ce que tu vois dans la religion dans le domaine de la religion 10 sur 10 أم صفر ou bien tu vois un zéro هل رؤيتك جيدة أم أنت أعمى est-ce que ta vision ta vue est excellente dans la religion ou bien es-tu un aveugle هل ترى بنور الله أم تعيش في ظلمات الشيطان est-ce que tu vois grâce à la lumière de Dieu ou est-ce que tu vis dans les ténèbres sataniques إذا كنت ترى بنور الله dans le cas où tu vois grâce à la lumière divine فعلم بأن الله يحبك sache mon frère ou ma sœur que Dieu t'aime beaucoup كما جاء في الحديث القدسي comme ça a été rapporté dans une parole sainte ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه Et mon serviteur continue à s'approcher de moi par des actions surérogatoires jusqu'au point que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ Et quand je l'aime, ذَكَرَ فِي مَا ذَكَرَ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ Il a cité parmi tout ce qu'il a cité, je deviendrai son regard avec lequel il voit. وَقَالَ تَعَالَ فِي آيَةٍ كَرِيمَةٍ Dieu dit dans un verset coranique أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons fait une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est comme dans les ténèbres dont il n'est pas prêt de sortir. Imma nur ilahi wa imma dhulumat shaytaniya. Soit une lumière divine, soit des ténèbres sataniques. Akhi ukhti, frère, sœur, idha kunta tara bi nurillah fahani'an lak. Dans le cas où tu vois aujourd'hui avec la lumière de Dieu, félicitations à toi. C'est-à-dire 10 sur 10. Indak 10 fi 10 fi ad-din. C'est-à-dire tu as 10 sur 10 dans la religion. Amma idha lam yakun laka nurun min Allah, 0 ala 10. Mais dans le cas où tu n'as aucune lumière de la part de Dieu, 0 sur 10. Fa anta la shakk fi adh-dhulumat. Sans aucun doute, tu vis dans des ténèbres. Wal musriba annaka la tuhiss. Le malheur, c'est que tu es inconscient. Tadhunnu annaka tara. Tu penses que tu vois. Wa anta la tara shay'an. Mais tu ne vois rien. Qala ta'ala fi sourati an-nur. Dieu dit dans le chapitre la lumière. Wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Celui à qui Dieu n'a fait aucune lumière ou n'a pas fait une lumière n'a aucune lumière. Celui à qui Dieu n'a pas fait une lumière n'a aucune lumière. Idha lam yakun laka nurun min Allah, dans le cas où tu n'as pas une lumière venant de la part de Dieu pour t'éclairer afin que tu vois bien, bimana. إذا لم يحبك الله. Ceci signifie que dans le cas où Dieu ne t'aime pas, لأنك بذنوبك لا تستحق محبته. Parce que à cause de tes péchés continus, tu ne mérites pas son amour. فعلم بأنك أعمى. Sache mon frère ou ma sœur que tu es aveugle. فستقول ولكن لي عينان. Tu vas dire, mais attends mon frère, je possède deux yeux, je vois. طبيب العيون قال لي عندك 10 على 10. Tu vas me dire, l'ophtalmologue m'a dit que je vois 10 sur 10. Pourquoi tu me traites d'aveugle? Ujibu, je te réponds. قال الله تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. وقال تعالى, et Dieu dit dans un autre verset coranique, ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كم من واحد هو من أصحاب جهنم ولا يدري. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لم يستعملوا قلوبهم لهم قلوب ولكن عطلوها ما شغلوها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالحيوانات أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Oui, nous avons effectivement reproduit ou préparé pour l'enfer un grand nombre parmi les djinns et les humains. Ils ont des cœurs pour ne pas saisir le sens profond des choses. Ils ont des yeux pour ne pas voir, des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles pour ne pas entendre, des oreilles mais ils n'entendent pas malgré leurs oreilles. Ceux-là sont tels les bestiaux, ou plutôt plus égarés encore, ceux-là sont les distraits. Man la yara bi'aynayhi fahuwa min ahli an-nar. Celui dans cette vie ici-bas qui n'arrive pas à voir avec ses yeux 10 sur 10, il fait partie des gens de l'enfer dans le cas où il ne se repent pas. Idha lam yatub. Qala ta'ala 'anil a'ma. Dieu dit à propos de l'aveugle 0 sur 10. Alladhi yara 0 ala 10 fi ad-dunya fi ad-din. ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Et celui qui aura été aveugle dans ce monde, il voyait 0 sur 10. Celui-là sera dans l'autre bien plus aveugle encore et sur une voie bien plus aberrante. Wa qala ta'ala fi aya ukhra, et Dieu dit dans un autre verset coranique, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Celui qui aura tourné le dos à mes rappels et se sera refusé à m'évoquer par la pensée et par la parole, celui-là aura une vie pleine d'amertume et de gêne, et nous le ferons venir aveugle au rassemblement, ça veut dire le jour de la résurrection. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يا رب علاش درتني اليوم أعمى وأنا كان عندي 10 على 10 في الشوف في الدنيا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Pourquoi aujourd'hui tu m'as donné 0 sur 10 dans la vue alors que je bénéficiais de 10 sur 10 dans la vie première? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Il dit, c'est ainsi que te sont venus nos versets ou nos signes et tu les as oubliés. وكذلك اليوم تنسى, et c'est ainsi que tu es oublié aujourd'hui. أخي أختي, frère, sœur, من كان له نور إلهي في الدنيا يرى به, celui qui jouit d'une lumière divine avec laquelle il voit dans ce bas monde, يوم القيامة سيعطيه الله نورا إلهيا آخر يرى به. Le jour de la résurrection, dans l'au-delà, de la même manière, Dieu va lui offrir une autre lumière avec laquelle il va voir dans l'au-delà. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فِي الظُّلُمَاتِ يَعِشْ كَالْحَيَوَنَاتِ. Celui qui aura vécu dans cette vie ici-bas, dans les ténèbres, comme des bestiaux, comme des animaux, فَسَيَكُونُ بِلَا نُورٍ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il n'aura aucune lumière le jour de la résurrection. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras les croyants, les croyantes, leur lumière évoluant devant eux et à leur droite, بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Votre bonne nouvelle ce jour-là seront des jardins sous lesquels coulent les rivières où vous serez pour l'éternité. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Tel est le très grand succès d'avoir une lumière le jour de la résurrection. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا انتظروا انظرونا نقتبس من نوركم حتى نمشي بجانبكم نرى بنوركم نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم ارجعوا إلى يستهزئون بهم قيل لهم ارجعوا إلى الدنيا فخذوا النور في الدنيا النور الذي لم تأخذوه في الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. On dit, revenez en arrière et cherchez-y quelques lumières. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru, attendez-nous que nous profitions de votre lumière, qu'on marche à côté de vous et on regarde grâce à votre lumière. On dit, revenez en arrière, c'est-à-dire revenez à la vie première, et c'est impossible, c'est on se moque d'eux à ce jour-là, pour les rabaisser, revenez en arrière et cherchez-y quelques lumières. Vous avez raté la lumière dans la vie ici-bas. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte à l'intérieur contenant la miséricorde et dont la face extérieure a devant elle le châtiment. Akhi ukhti, frère, sœur, idha akhtart al-ama, dans le cas où tu choisis dans ce bas monde l'aveuglement, d'être aveugle, فستكون في الآخرة أعمى. Certes, tu seras dans l'autre monde aveugle. بمعنى تمشي فوق الصراط أعمى. Ça veut dire tu vas traverser le sirat, tu vas passer sur le sirat en tant qu'aveugle. الصراط أرق من الشعر وأمضى من السيف. Le sirat est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'un sabre, et sur ce cheveu tu vas traverser en tant qu'aveugle. Parce que dans ce moment, tu as préféré d'être aveugle. Ça veut dire tu vas chuter en plein enfer. Tu es toujours maintenant dans ce bas monde. Cherche, mon frère ou ma sœur, la lumière divine. Et cela se représente par le repentir rapide et sincère. On demande à Dieu de nous aider, d'aider la jeunesse musulmane en France et dans le monde entier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu. الآن سنقوم بتجربة سنقيس كم ترى كم أرى. Maintenant, on va faire, mes frères et mes sœurs, un test pour mesurer notre vue. Combien on voit ? 10 ala 10 ? 9, 7, 5 ala 10 ? Est-ce qu'on voit 10 sur 10 ? 9, 8, 7, 5 ? Am nara wahid aw sifr ? Ou bien est-ce qu'on voit 1 ou 0 ? Kayfa nujarrib ? Comment on va passer le test ? سنضع أسئلة ونعطي أمثلة. On va poser des questions et on va donner des exemples. هل ترى الله في الدنيا؟ Est-ce que tu vois Dieu dans ce bas monde؟ وإذا لم تكن تراه تحس بأنه يراك؟ Et dans le cas où tu le vois pas, tu sens qu'il est en train de te voir, qu'il est en train de te surveiller. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم بأنه يراك. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit adore Dieu comme si tu le vois, mais dans le cas où tu le vois pas, sache que lui il te voit. في الصلاة, dans la prière, هل ترى الله, est-ce que tu vois Dieu, هل تحس بأنه يراك, est-ce que tu penses, tu ressens qu'il est en train de te voir? 10 ala 10, 10 sur 10. Ma tara, ma tuhis, tu le vois pas? Ça veut dire 0 sur 10. Lamma turid an ta'kul, quand tu veux manger, hal tuhis bi anna Allah huwa alladhi a'taka al-akl? Hal tara Allah? Avant de manger, est-ce que tu vois, tu penses que c'est Dieu qui t'a donné à manger? Tu vois Dieu à ce moment-là, tu penses à lui 10 sur 10, sinon 0 sur 10. Imma 10 ala 10, tansa Allah 0 ala 10. Lamma turid an talbas thiyabak, hal tuhis bi anna Allah tafaddala alayk, hal tara ni'mat Allah? Avant de porter tes habits, est-ce que tu ressens la grâce de Dieu? Est-ce que tu vois la grâce de Dieu, ses habits? Am annaka la tara shay'an, ou tu es aveugle, tu ne vois rien? لما ترى آية من آيات الله, لما تكون أمام آية من آيات الله, هل تراها, هل تحس بها؟ Lorsque tu es devant un signe parmi les signes de Dieu, est-ce que tu vois Dieu? أم صفر على صفر, ou bien 0 sur 0, ou 0 sur 10, ou 10 sur 10. أمام بركان إسلاند, devant le volcan d'Islande, هل رأيت عظمة الله, as-tu vu la grandeur et la puissance de Dieu? لما ترى السماء والنجوم هل تفكر في الله وعظمة الله وهذه المجرات العملاقة؟ Lorsque tu vois le ciel, les étoiles du ciel, est-ce que tu vois Dieu? Tu penses à Dieu? Tu penses à la grandeur de Dieu qui a créé ces galaxies infinies, interminables? لما يأتيك المرض هل ترى الله؟ هل تحس بأن الله اقترب منك بالمرض؟ Lorsque tu es touché par une maladie paralysante, est-ce que tu vois Dieu? Tu penses que Dieu s'est rapproché de toi grâce à cette maladie? Am la tara shay'an, ou tu es aveugle, tu ne vois rien. Lamma ta'tik al-musiba, hal tara Allah? Devant l'épreuve, le malheur qui s'abat sur toi, est-ce que tu vois Dieu ou tu es aveugle? Walakin kadhalik, mais en même temps, mes frères et mes sœurs, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال حفت النار نار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. L'enfer a été couvert par les désirs et le paradis a été couvert par les choses qu'on déteste. أمام الشهوة هل ترى أنك تدخل إلى جهنم أم أنت أعمى تدخل لجهنم بشهوتك ولا تحس؟ Devant les désirs, est-ce que tu vois que tu pénètres dans l'enfer parce que tu fais un désir, ou tu ne vois rien, tu es aveugle؟ لما تجلس مع فتاة محرمة عليك وتمس لحمها بشهوة هل تحس بأنك دخلت في جهنم هل ترى ذلك أم أنت أعمى؟ Lorsque, mon frère, tu te mets seul à seul avec une fille interdite à toi et tu la touches avec ta main parce qu'il y a un plaisir, il y a un désir, est-ce que tu vois que tu es maintenant au milieu de l'enfer ou tu ne vois rien, tu es aveugle? أختي لما تنزعي ثيابك أمام رجل محرم عليك. Ma sœur, lorsque tu te déshabilles devant un homme interdit à toi de faire cela devant lui, les shahwa, pour le plaisir, pour le désir charnel, est-ce que tu sens que tu es au milieu de l'enfer, tu le vois ou bien tu es aveugle? Akhi, lamma tashrab al-khamr, lamma tatanawal al-mukhadirat, mon frère, lorsque tu consommes le vin, lorsque tu consommes les drogues, hal tuhiss بأنك تعبد صنم صنم الخمر صنم المخدرات أنك تسجد أمام الصنم هل ترى هذا؟ هل ترى أنك دخلت جهنم؟ Est-ce que tu vois, tu sens que tu es en train de te prosterner devant une idole, devant une fausse divinité qui s'appelle l'alcool ou qui s'appelle les drogues, que tu es maintenant au milieu de l'enfer où tu ne vois rien, tu es aveugle؟ أختي لما تنزعي حجابك وتخرجي من غير حجاب لأنك تكرهين الحجاب حفت الجنة بالمكاره. Ma sœur, lorsque tu enlèves ton foulard parce que tu détestes ce foulard, parce que les gens détestent le foulard, toi aussi tu le détestes et tu sors sans foulard, et le paradis est couvert par les choses qu'on déteste. هل ترين أنك تخرجين من الجنة وتدخلين في جهنم؟ Est-ce que tu vois par cet acte que tu sors du paradis pour entrer dans la géhenne ou dans l'enfer؟ وممكن أيها الإخوة أن نقول عدة أمثلة وأمثلة وأمثلة من هذا النوع. Mes frères et mes sœurs, on peut donner des milliers et des milliers d'exemples de ce type. وانظر في كل حالة هل ترى الله؟ Et dans chaque exemple, regarde, est-ce que tu vois Dieu? وقم بالمجموع, et fais le total. وانظر في الأخير هل تصل إلى عشرة على عشرة أم تبقى في صفر على عشرة. Et à la fin, lorsque tu fais ton total, ton cumul, regarde, est-ce que dans tous les domaines tu arrives à un total de 10 sur 10 ou bien tu es à 0 sur 10. أيها الإخوة والأخوات, من كان منا أعمى أو له ضعف في النظر. Mes frères et mes sœurs, celui parmi nous qui est aveugle ou qui ne voit pas bien, il consulte l'ophtalmologue. يذهب عند طبيب العيون. لماذا ليأخذ نظارات؟ ليرى أحسن. Pourquoi? Pour prendre des lunettes, pour voir mieux. إذا كنت اليوم فهمت بأن عندك صفر على عشرة فخذ نظارات. Si aujourd'hui tu as compris que tu as 0 sur 10 en religion, porte mon frère ou ma soeur des lunettes. النظارات هي التوبة. إذا تبت إلى الله فسيعطيك سيحبك الله وسيعطيك نورا تنظر به ما دمت حيا. Dans le cas de ton repentir, Dieu va t'aimer et quand il t'aimera, il va te donner une lumière divine avec laquelle tu vas voir pendant toute ta vie. وإذا رفضت, dans le cas où tu refuses, أحببت أن تعيش في الظلمات, tu as aimé de continuer à vivre dans les ténèbres, فستكون من أصحاب الظلمات غدا يوم القيامة, tu seras parmi les gens des ténèbres le jour de la résurrection. في خبر أحب أن أقول لكم, il y a une information que j'aimerais vous passer. معنا اليوم أخ فاضل, avec nous il y a aujourd'hui un frère noble, الشيخ محمد علوي. الشيخ محمد علوي أتانا من مدينة نانسي, qui est venu pour nous rendre visite de la ville de Nancy. هو إمام سابق لمسجد ستراسبورغ الكبير, qui était un ex-imam de la grande mosquée de Strasbourg, وكان صديقا لي, et qui était un ami à moi. هو الآن إمام في مدينة نانسي. Aujourd'hui, il occupe le poste d'un imam dans la ville de Nancy. وساعده الله تعالى وتبارك, Dieu l'a aidé لبناء وتأسيس مدرسة, مدرسة نور تعطي النور للأجيال القادمة. Dieu l'a aidé à fonder une école qui donne des lumières pour les générations futures. مدرسة قرآنية, une école coranique, سماها مدرسة نافع للقرآن الكريم, qu'il a nommé l'école de نافع du Saint-Coran. هي موجودة في جنوب شرق المغرب, qui se trouve dans le sud-est marocain. أطفال بنات وأولاد يقرؤون فيها ويحفظون القرآن. Des enfants, garçons ou filles, sont dans cette école pour apprendre le Coran. نساعده اليوم لأن لها نفقات كثيرة. هي مدرسة خاصة, c'est une école privée, ليست لها موارد, qui n'a pas des ressources, ويعتمد على نفقات المحسنين, et qui compte sur les actes des biens ou les bonnes actions des bienfaisants. فلنشتري اليوم نور الله, qu'on achète aujourd'hui la lumière de Dieu. كما سنساعد المدرسة التي تعطي النور les chabab, comme on va donner de l'argent à cette école qui donne la lumière aux jeunes, Dieu va nous donner une lumière avec laquelle on va voir dans notre vie. بنفس الطريقة الله تعالى وتبارك الكريم الجواد سيعطينا نورا نرى به في دنيانا ويكون معنا في قبورنا. Une lumière qui va nous accompagner même dans nos tombes, ويكون معنا يوم القيامة, et qui sera avec nous le jour de la résurrection. وسيتكلم معكم بعد خطبة الجمعة, et il va parler avec vous juste après les prières du vendredi. اللهم إني داع فأمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم الكريم في هذا المسجد الكريم أن تجعل لنا نورا من لدنك يا رب. يا رب هب لنا نورا, يا نور هب لنا من نورك نورا نمشي به في الدنيا بين الناس. يا رب أخرجنا من الظلمات وأخرج أولادنا وبناتنا من الظلمات إلى النور. يا رب هب لنا نورا في حياتنا ونورا في قبورنا ونورا يوم نلقاك ونورا نمشي به على الصراط. يا رب اجعلنا من الذين يرونك ويرون آثارك في كل شيء حولنا. يا رب لا تجعلنا مثل الأعمى. يا رب لا تعمي أبصارنا ولا تعمي قلوبنا، يا رب نور لنا أبصارنا ونور لنا قلوبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت ربنا، لا إله إلا أنت. يا ربنا بلغ صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم إلى إمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.